إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avons parlé la dernière fois d'une revendication de certains muqallidin de l'arrêt du l'ijtihad. Et j'ai cité un dialogue entre Cheikh Al-Albani rahimahullah et un mufti sur l'arrêt du l'ijtihad. Et vous devez déduire de ce dialogue comment ces muqallidines ont enterré le Coran. Et ils ont dit qu'on peut se passer du livre d'Allah et de se contenter des livres des madhhab. Et à cause de cette revendication de l'arrêt du jihad, et à cause du fait qu'il ordonne aux gens de ne pas méditer le Coran parce qu'ils n'ont pas atteint le degré du mujtahid, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tout le monde et les invite tous à méditer le Coran, ben la récitation, le Coran est devenu un objet de bénédiction. Hein, on le récite juste pour en tirer bénédiction, non pas pour en tirer les ahkam et non pas pour en tirer les leçons qui nous servent dans notre vie quotidienne. Pire encore, le Coran est devenu un livre qu'on récite sur les morts et non pas sur les vivants. Les rites sont devenus des protocoles, des actes qu'on fait une sorte de formalité, on le fait par habitude. On assiste à la prière du vendredi parce que tout le monde y participe, sans méditer ce que dit l'imam dans son prône. Les fêtes, c'est pareil, ce n'est pas devenu, on ne célèbre pas les fêtes musulmanes comme l'Eid al-Adha, l'Eid du sacrifice, et la fête de la rupture du jeûne, on ne le célèbre pas par conviction, mais c'est juste une habitude. On voit les gens faire, on sacrifie le mouton juste parce qu'on voit les gens faire la même chose, non pas parce qu'en en faisant ce geste là on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on se rapproche de lui, on se rappelle l'histoire de Ibrahim avec son fils Ismaïl, et que c'est un signe que Ibrahim et Ismaïl sont soumis entièrement à Allah. Donc des leçons de ce genre, on ne les tire pas. À cause de quoi? À cause justement de cette pensée que répandent les muqallidines au sein de la communauté, et qui a eu des conséquences graves sur celle-ci. Aujourd'hui, la 12e leçon, je vais parler de certaines shubuhats des muqallidines, certains arguties fallacieuses et leurs prétextes pour justifier l'imitation servile. Ces shubuhats sont très nombreuses. Ils ne s'arrêtent jamais d'ailleurs. Il y a toujours de nouvelles shubuhats. Ils disent comme shubha, écoutez, Allah a dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il a dit, interrogez les gens du dhikr si vous ne savez pas. Nous sommes des ignorants. Allah nous a demandé d'interroger les savants. Nous nous en remettons aux déductions et à l'ijtihad des gens du savoir. Bon. Le dhikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite ici dans le Coran, c'est quoi? Ce dhikr qu'Allah a ordonné de suivre et a ordonné celui qui n'a pas la science d'interroger ces gens, les gens du dhikr. C'est ce que doit faire tout musulman. Il demande au savant de lui donner le hukm d'Allah et de son envoyé sur sa question. Quand il a un problème, il pose la question au savant et le savant lui donne la qualification juridique ou le jugement d'Allah concernant son problème. Mais le problème, c'est que vous les muqallidines, vous suivez à la lettre un savant et vous jetez les autres. Vous ne sortez pas de sa parole et de sa voix. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est que même s'il vous est parvenu une preuve évidente du Coran, de la Sunna et de l'Ijma', qu'il vous est facile de comprendre, vous ne l'accepterez pas. Vous la soumettez au jugement de votre imam et de votre madhhab. Si la preuve scripturaire, la preuve de révélation est conforme aux avis de l'imam ou aux enseignements du madhhab, vous l'acceptez. Sinon, vous la rejetez. C'est ça votre problème. C'est ça le problème du taqlid. Nous, quand on ne connaît pas un hukm, on ne connaît pas, on n'arrive pas à on veut connaître le hukm d'Allah sur une question précise ou quand il nous arrive un problème et on n'arrive pas à déduire son hukm dans le Coran et dans la Sunna et dans l'Ijma', on demande aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens du livre et de la Sunna, aux gens du livre et de la Sunna, les ulama. On leur pose la question, quel est le hukm d'Allah sur cette question, mais on ne leur dit pas quel est l'avis du madhab sur cette question. Et eux aussi, le mufti n'a pas le droit de demander à la personne qui lui pose la question « Quel est ton madhhab pour que je sorte, je t'émets une fatwa qui est conforme à ton madhhab, sur mesure, bien taillée sur ton madhhab ?» Non, il doit donner le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, dans une question par exemple, qui fait l'objet du différend, il faut la ramener, il faut la remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Toute divergence qui surgira entre vous, devra être soumise au jugement d'Allah. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, suivez ce qui est descendu vers vous de la part de votre Seigneur, et en dehors de lui, ne suivez aucun maître. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Mais combien peu vous méditez le rappel. Dans son livre At-Taqrir wa At-Tahbir, Ibn Amir al-Hajj, le savant hanafite, il est mort en 879, le disciple d'Ibn al-Humam, le grand savant hanafite Ibn al-Humam, celui-là, Ibn Amir al-Hajj est son disciple. Il cite cette parole de l'imam al-Qarafi. Il dit In aqad al-ijma' ala anna man aslama فله أن يقلد من شاء من العلماء إن عقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. Dit, le consensus a été établi sur le fait que celui qui vient d'embrasser l'islam a le droit d'imiter le savant qu'il veut sans restriction. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن من استفتى أبا بكر أو عمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من غير نكير. Et il a dit, les compagnons s'accordent à dire à l'unanimité que celui qui interroge Abu Bakr ou Omar et se conforme à leur fatwa a le droit de demander la fatwa à Abu Huraira et à Mu'ad et aux autres compagnons, et son attitude n'est en aucun cas désapprouvée. Mu'ad min ghayri nakir. Faman idda'a daf'a hadhayn al-ijma'ayn fa'alayhi ad-dalil. Il a dit, celui qui conteste ces deux ijma' doit apporter la preuve. Donc l'imam Qarafi, il a dit qu'il y a ijma' là-dessus, qu'on a le droit de demander aux savants, et qu'on a le droit de demander à un savant, on peut demander à un autre savant. Et on ne doit pas se conformer à un seul savant et ne pas sortir de ses propos. Mohamed Amim Shankiti, il a approuvé la validité de ces deux ijma'. Il a dit « وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعِقَادِ الْإِجْمَعَيْنِ صَحِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى فالأقوال المخالفة لهما من متأخر الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. Il a dit, il a approuvé la validité de ces deux ijma'. Il a approuvé la validité de ces deux ijma'. Il a dit que les Ossolis des générations postérieures, tous les propos des Ossolis des générations postérieures qui sont contraires à ces deux ijma', sont erronés. Et il a dit ensuite, l'imitation d'un savant particulier fait partie des innovations du 4e siècle. Quiconque prétend le contraire, qu'il nous ramène un seul homme dans les trois premiers siècles, un seul homme dans les trois premiers siècles, c'est astreint à un madhab d'un homme Et il ne peut jamais le faire parce qu'il ne s'est pas produit. Durant les 3 premiers siècles, jamais il y a eu cette imitation servile, jamais il y a eu ce ta'assob, cet attachement inconditionnel à un madhhab. Parmi leurs choubouhats, ils tirent argument du hadith suivant, le hadith Ashabi kan nujum bi ayyihum mes compagnons sont comme les étoiles, si vous suivez n'importe lequel d'entre eux, vous vous guidez. Il se base sur ce hadith. Ben, ce hadith est daïf. Beaucoup de savants le qualifient de faible, notamment Ibn Abd al-Barr, le Malikite, qui a dit que l'imam al-Bazzar a dit que ses propos, c'est-à-dire ce hadith-là, ne remonte pas authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Al-Albani le qualifie de hadith mensonger, inventé de toutes pièces, maudou'. Dans sa chaîne de transmission, il y a Al-Harith ibn Rusayn. Al-Harith ibn Rusayn qui est un inconnu majhoul. Et Salam ibn Sulaym qui rapporte des hadiths mensongers. Donc il y a deux rapporteurs qui sont récusés dans la chaîne de transmission de ce hadith. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils arguent de ce hadith alors qu'ils ne suivent pas les compagnons. Ils suivent leur imam et leur madhab. Pourquoi vous avez laissé les étoiles? Si vous dites mes compagnons sont comme les étoiles, pourquoi vous avez laissé les étoiles et vous suivez vos imams qui sont inférieurs à eux? S'ils appliquent ce hadith, ils vont diverger de leur madhhab. Et si on applique ce hadith à la lettre, finalement, ça c'est, si vous voulez, une critique du contenu. La critique de la chaîne, je vous en ai parlé déjà, que dans sa chaîne, il y a des rapporteurs qui sont récusés. Et maintenant, concernant le contenu même, lui-même du hadith, si on applique ce hadith à la lettre, c'est-à-dire si on suit un seul compagnon sans les autres, on dévira de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a pas un seul d'entre eux qui ne s'est pas trompé. On peut par exemple, bon, à cause de ça, on peut se permettre de manger le grelon, le barad, hein, le grêlon. Le grêlon, c'est le barad, c'est la pluie, comme la neige. On peut se permettre de manger le grêlon pendant le jeûne, parce qu'il y a un compagnon qui autorise. Il autorise de manger le grêlon quand on est en état de jeûne. Et on peut se permettre de manger la viande de l'un domestique aussi, parce qu'il y a des compagnons qui l'autorisent. Le mariage temporaire aussi, parce qu'il y a des compagnons qui ne sont pas au courant de l'abrogation de ce mariage. Donc, les divergences d'ailleurs entre les compagnons sont nombreuses et connues. C'est en fait leur consensus qui est un argument d'autorité, et aussi on peut y ajouter l'ijma' des 4 califes. Écoutez cette réfutation des muqallidines présentée par Ibn al-Qayyim sous forme de dialogue dans son livre I'lam al-Muwaqi'in. J'en cite en résumé quelques extraits parce que c'est long. Il dit: nous demandons à celui qui imite un seul savant et exclut les autres, qu'est-ce qui a rendu ton savant plus digne d'être imité que quelqu'un d'autre? S'il répond parce qu'il est le plus grand savant de son époque, ben nous lui demandons: comment sais-tu, toi qui ne fais pas partie des gens du savoir, selon tes propres aveux, qu'il est le plus grand savant de la communauté de son époque? Seul celui qui connaît les madahib et leurs arguments, connaît la force de chaque argument, peut juger si tel savant est le meilleur. Là, tu parles au sujet d'Allah sans science. Et nous lui dirons aussi, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Aisha, Ibn Abbas, Ibn Omar sont plus savants que ton compagnon. Pourquoi tu ne les imites pas? Et en plus, il a dit, l'un des principes des madhhab de ton imam est qu'il n'est pas permis de soutenir ses avis que si tu connais les arguments sur lesquels il s'est fondé. Et qu'il a interdit de l'imiter. Pourquoi tu ne lui suis pas dans cette recommandation-là? Donc, il a sorti plusieurs réfutations, plusieurs là, sur ce point-là. Et parmi les réfutations aussi, il a dit lorsque Isa alayhi salam, Jésus, Isa, vous savez que parmi les signes de l'heure, c'est que Isa va descendre, n'est-ce pas? Il va descendre et il va prier derrière le Mahdi, hein? Et il va suivre la voie, la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, question. en fonction de quel madhhab va-t-il juger? L'opinion de qui va suivre? Quand Isa alayhi salam va descendre, il va suivre quel madhhab? Ou il va suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai trouvé que l'un des savants hanafites a dit que lorsque Jésus Isa ibn Maryam descendra, ben il va suivre la voie d'Abu Hanifa. L'égarement, subhanallah, manifeste. Regardez le ta'assab où ça mène. À cause de leur imitation, à cause de leur taqlid, certains muqallidines se contredisent eux-mêmes. Ils tirent argument d'un hadith. Et quand le même hadith contredit l'opinion de leur imam ou de leur madhab, ils ne l'adoptent pas. Ils prennent un même hadith, ils tirent l'argument qui convient à leur madhab. Et quand dans le même hadith, il y a un argument qui ne convient pas à leur madhab, ils ne le prennent pas. Certains hanafites s'appuient par exemple sur le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, selon lequel l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a passé ses mains sur son toupet et sur son turban lors des ablutions. Ils se sont basés sur le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba pour dire qu'il suffit de passer ses mains sur le quart de sa tête dans les ablutions. Que c'est suffisant. Si quelqu'un passe la main sur le quart de la tête, c'est suffisant. Et il se base sur ce hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa main sur son toupet et sur le turban. Et ils ont contredit le même hadith en disant qu'il n'est pas permis de passer ses mains sur le turban. Le même hadith. Ils soutiennent, par exemple, pour soutenir que la récitation de la Fatiha n'est pas un pilier dans la prière. Parce que les hanafites jugent qu'il n'est pas obligatoire de réciter la Fatiha dans la prière et qu'on peut réciter n'importe quel verset du Coran. Alors pour soutenir ça, cette thèse, ils ont tiré argument du hadith de celui qui a mal fait sa prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'on lui a dit retourne prier parce que tu n'as pas prié. Et qu'à la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, il a dit lorsque tu t'apprêtes à faire la prière, il faut faire bien tes ablutions et mets-toi en face de la Qibla. Et il dit Allah akbar. Dans ce hadith-là, il lui dit puis récite ce que tu peux faire aisément du Coran. Il lui a pas dit récite la Fatiha. D'autres hadiths sont d'autres hadiths qui dans lesquels on déduit l'obligation de réciter la Fatiha. Bon, ils se sont basés sur ce hadith. Il dit le prophète sallam a demandé à cet homme, lui a dit puis récite ce que tu peux faire aisément du Coran. Et ils ont contredit la parole du prophète sallam dans ce même hadith, à savoir la sérénité. La sérénité dans l'accomplissement de chaque acte de la prière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme, puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois stable dans cette position. Puis redresse-toi jusqu'à ce que tu te mettes debout. Jusqu'à ce que tu te mettes debout et tu demeures sereinement debout dans cette position. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a renvoyé cet homme, lui a dit retourne prier parce que tu n'as pas prié. C'est à cause justement de la sérénité. Il n'a pas fait preuve de sérénité, de calme dans l'accomplissement des actes de la prière. Et eux, le même hadith, ils ont rejeté l'obligation de faire preuve de sérénité dans la prière, dans le même hadith. Le hadith, il parle de la sérénité. Il parle et ils ont dit, celui qui ne fait pas preuve de sérénité dans sa prière est quand même valide. Et la sérénité n'est pas obligatoire. Le même hadith, ils prennent ce qu'ils veulent, ils rejettent ce qu'ils veulent. Sachez, chers frères, que l'attachement inconditionnel au madhhab et l'opiniâtreté n'a pas seulement mené les muqallidines à mettre les opinions des hommes avant les textes clairs du Coran et les hadiths authentiques, mais il leur a fait oublier ce que les imams avaient dit, leurs vraies paroles, et ils se sont contentés des propos des adeptes des madhhab des générations postérieures. parfois on trouve beaucoup d'avis, ils suivent beaucoup d'avis des ulama des générations postérieures. Et quand on voit les avis quand on revient aux avis de leurs imams, ils les contredisent. Ils ont cru que c'est la même chose. Beaucoup d'opinions ont été faussement attribuées à Abu Hanifa, à Shafi'i, à Malik et à l'imam Ahmed. Et si tu veux connaître la doctrine et les opinions de l'imam Malik, il faut revenir à son Muwatta. Si tu veux connaître les opinions et le manhaj de l'imam Shafi'i, il faut revenir à ses livres, Al-Umm al-Risala. Les deux livres, Al-Umm al-Risala et Mukhtasar al-Muzani, qu'il a approuvé, Mukhtasar al-Buwaytiya. Les malikites, par exemple, ils font ce qu'on appelle isbal. Ils font ce qu'on appelle isbal dans la prière. C'est-à-dire qu'ils laissent leurs mains allongées quand ils sont en position debout dans la prière. Alors que Malik cite dans son livre Al-Muwatta, le volume 1, page 158, le chapitre suivant. Bab wad'u al-yadayni ihdahuma 'ala al-ukhra fi as-salat. Chapitre, posez les mains l'une sur l'autre dans la prière. Et puis il a cité, rahimahullah, hadith Abi al-Mukhariq al-Basri. Il a dit, Abu al-Mukhariq al-Basri, parmi les sages préceptes du prophète, des prophètes, min kalam in nubuwa, parmi les sages préceptes des prophètes, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière, le fait de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas de la nuit. من كلام النبوة إذا لم تستحي ففعل ما شئت. Parmi les sages préceptes des prophètes, il y a ces préceptes suivants, à savoir, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Deuxième précepte, وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى. Le fait de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. وتعجيل الفطر, le fait de hâter la rupture du jeûne. والاستيناء بالسحور, et le fait de retarder le repas de la nuit pour le jeûneur. Beaucoup de disciples de Malik rapportent que Malik soutenait qu'il faut mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Mais les malikites des générations postérieures, soutenaient que Malik étendait ses mains dans la prière. Et ils ont rejeté tous les hadiths, sur le qabd, à savoir poser wada' al-yad al-yumna 'ala al-yusra fi as-salah, pour adopter une seule version rapportée par Ibn al-Qasim. Alors Ibn al-Qasim aussi, même Ibn al-Qasim dans une autre... il rapporte lui-même le hadith de Malik sur le qabd, sur le fait de poser la main droite sur la main gauche pendant au cours de la prière. Et d'ailleurs, l'imam Malik ne met un hadith dans son muwatta qu'après avoir fait l'istikhara, la prière de l'istikhara. C'est-à-dire qu'il demande à Allah ce qui est le mieux pour lui, et lorsqu'il doute d'un hadith, il l'enlève. Donc, le Muwatta, il cite ce hadith-là. Et donc, l'imam Malik, il l'approuve et il l'adopte. Il y a d'autres exemples. Prenons l'exemple du signe avec l'index lors du Tashahhud. Les hadiths qui en parlent sont presque mutawatir, sont rapportés par des chaînes multiples de rapporteurs. Et par aussi rapporté par beaucoup de compagnons. Et selon certains hadiths, comme le hadith Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un signe avec l'index et pliait les autres doigts. Certains hadiths décrivent cela en détail, c'est-à-dire qu'il forme un cercle avec le pouce et le majeur, et avec l'index, il fait un signe. Mais écoutez ce qu'a dit le Kaidani, l'un des savants hanafites. Lotfallah al-Kaidani, il est mort en 900 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans son livre Khulasat al-Kaidani, il considère que le fait de faire un signe avec l'index fait partie des actes haram, fait partie des actes interdits. C'est un savant de la dernière génération. Alors qu'Abu Hanifa soutenait qu'il faut faire un signe avec l'index dans la prière. De même que Mohamed ibn Hassan al-Shaybani. De même qu'Abu Yusuf. Mohamed ibn Hassan al-Shaybani a déclaré clairement dans son livre Al-Musabbiha, Kitab Al-Musabbiha, il nous est rapporté à propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait un signe avec son doigt et je fais comme il fait. Et c'est cela, la vie d'Abu Hanifa. حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه ثم قال محمد الحسن الشيباني الذي ثم قال نصنع بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ بفعله وهذا قول أبي حنيفة. Il a dit, nous faisons la même chose que ce qu'a fait le professeur Aslam, et c'est cela la vie d'Abu Hanifa. Et celui qui veut s'en assurer n'a qu'à consulter le livre référence des Hanafites, Bada'i' Sana'i', de Ala'ad-Din al-Kasani, rahimahullah. Et à propos aussi, Abu Yusuf, il a rapporté dans l'Amalis. L'Amalis, ce sont des livres qui sont, où sont écrites les leçons qu'Abu Yusuf dictait. Il est rapporté que Abu Yusuf qu'il faisait un signe avec l'index lors du tashahhud. Et la preuve, ça se trouve dans le Haqa'iq Kitab al-Haqa'iq Tabin al-Haqa'iq Sharh 15 daqa'iq du grand imam Az-Zaylai, Hafid Az-Zaylai. Et le grand savant Hanafite al-Kamal ibn al-Humam, l'auteur de Fath al-Qadir, qui est un livre connu, a dit dans son livre, c'est cela ce qui est rapporté de Mohammed ibn al-Hassan, à savoir le fait de plier l'auriculaire et l'annulaire, de faire un cercle avec le pouce et le majeur et de dresser l'index. Et ça, voilà, les grandes références des Hanafites, ils disent, mais les Hanafites des générations postérieures, ils ne le font pas, ils contredisent leurs grands savants. Et il a dit, rahimahullah, il a dit le Kamal ibn al-Humam dans Fath al-Qadir, il a dit d'après beaucoup de mashayikh, il ne doit absolument pas faire un signe avec le doigt. Wa an kathirin min al-mashayikh, il parle des Hanafites. Wa an kathirin min al-mashayikh la yushiru aslan wa huwa khilaf ad-dirayati wa ar-riwayah. Il a dit ce qu'ils disent chez ces mashayikh, il est contraire au texte et au soul de la religion, ar-riwayah wa ad-dirayah. Il est contraire au hadith et il est contraire au principe de la religion, aux bases de la religion. Mais regardez ce qu'a dit un des auteurs d'un livre de Salat, s'appelle Salat al-Mas'oudi. Il a dit le fait de faire un signe avec l'index était une sunna chez les anciens, il l'avoue. Mais puisque les chiites et les rafidas l'ont fait, les savants contemporains sunnites l'ont abandonné. C'est donc une sunna abrogée. Voilà. Ta'assub. Ils abrogent la loi d'Allah comme ils veulent. Ce qui est arrivé au fiqh, fin de compte, bien sûr, quand on dit madhhab, depuis le départ, depuis les fondateurs jusqu'à maintenant, beaucoup de changements sont arrivés à ce madhhab. Le madhhab, c'est une école. Avec le temps, il y a des savants qui ont introduit des choses étrangères à la religion. Hein? Dans Usul Fiqh, ils ont apporté des choses qui sont étrangères. Et donc les savants des générations, quelques savants des générations postérieures ou de la période médiévale, ils soutiennent des thèses qui sont différentes des anciens. Donc il y a des changements qui sont arrivés et des idées qui corrompues qui ont contaminé le madhhab. Vous savez, chers frères, que les quatre imams, Abu Hanifa al-Shafi'i et Imam Malik et l'imam Ahmed, n'étaient ni kharijites, ni mu'tazilites, ni ash'arites, ni maturidites. Ils étaient sur la voie du salaf, la voie des pieux prédécesseurs, celle des tabi'in, des tabi'in, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant par exemple l'unicité relative aux noms et aux attributs, Tawhid al-Asma wa Sifat, il croit, comme tous les salafs, il croit à la description qu'Allah a donnée de lui-même dans son livre et à celle que son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en a faite, et cela sans détourner les termes des textes de leur signification, ce qu'on appelle tahrif, et sans négation, sans s'interroger sur le comment des choses et sans recourir à des comparaisons, ce qu'on appelle tamthil. Il croit qu'Allah n'est comparable à rien, il entend tout et voit tout. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ils affirment qu'Allah est son envoyé, ce que ils affirment les attributs et les noms, c'est-à-dire ce qu'Allah et son envoyé ont affirmé, et ils nient ce qu'Allah et son envoyé ont nié. Ils croient aussi au sens des mots dans le texte révélé. Et là, je vais, inshallah, donner un aperçu du dogme l'aqida de chaque imam, de ces quatre, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed, je vais donner un aperçu pour vous prouver de l'aqida, pour vous prouver qu'ils soutiennent le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Parce que plus tard, dans l'école hanafite, l'école malikite, l'école shafi'ite, bien sûr, sont entrés des gens qui adhèrent à d'autres doctrines, à d'autres professions de foi, n'est-ce pas? Bon, je vais vous donner une idée de l'aqida d'Abu Hanifa, rahimahullah. Il est rapporté dans le fiqh al-absat, page 56, qu'Abu Hanifa a dit: La yusafu Allahu ta'ala bi sifati al-makhluqin. On ne doit pas assimiler Allah, on ne doit pas assimiler Allah à ses créatures. La yusafu Allahu ta'ala bi sifati al-makhluqin. Sa colère et sa satisfaction font partie de ses attributs. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته. Sa colère et sa satisfaction font partie de ses attributs. Sans scruter le comment des choses, bila kayf, il a dit: La yusafu Allahu ta'ala bi sifati al-makhluqin. On ne doit pas assimiler Allah à ses créatures. Sa colère et sa satisfaction font partie de ses attributs sans scruter le comment des choses. Il a dit: Wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'a. C'est celle-là la doctrine des gens de la sunna et de la communauté. Wa huwa yaghdabu wa yarda wa la yuqalu ghadabuhu 'uqubatuhu wa ridahu thawaba. Il se met en colère, et parlons d'Allah, il se met en colère et il agrée. Et on ne dira pas que sa colère est son châtiment, ni que son agrément est sa ou sa satisfaction, c'est sa récompense. Qui soutient cette thèse? Les négationnistes plus tard, qui ont donné une interprétation métaphorique à la colère d'Allah et à sa satisfaction. Contrairement à Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, il ne faut pas dire que sa colère, c'est son châtiment. Il ne faut pas dire que sa satisfaction, c'est sa récompense. Il a dit, وَنَصِفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. Nous lui donnons la description qu'il a donnée à lui-même. Ithbat. Ithbat des gens de la Sunna, contrairement aux certains Ash'arites, Maturidites, les Mu'tazilites et les Jahmites. Nous lui donnons la description qu'il a donnée de lui-même. Nous lui donnons les attributs qu'il a donnés de lui-même. Ahadun, c'est toujours la parole d'Abu Hanifa. Ahadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hayyun qadirun sami'un basirun alimun. يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليست كوجوه خلقه. Il est أحد. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Il est vivant, omnipotent, audient, clairvoyant, omniscient. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Sa main n'est pas comme les mains de ses créatures, et son visage n'est pas comme les visages de ses créatures. Donc il affirme en Allah l'existence d'attributs révélés, khabariya, à savoir la main et le visage. Comme Aqidat al-Sunnah, contrairement à certains hanafites des générations postérieures. Et il est rapporté dans le fiqh al-Absat et dans le commentaire de la Tahawiyya, d'Abu al-Izz al-Hanafi, parce que Abu al-Izz, c'est celui qui a expliqué le dogme hanafite. Il est rapporté qu'Abu Hanifa a dit: celui qui dit je ne sais pas si mon Seigneur est au ciel ou sur terre a mécru. Quelqu'un qui dit je ne sais pas si mon Seigneur est au ciel ou sur terre a mécru. De même celui qui dit qu'Allah est sur le trône mais je ne sais pas si le trône est au ciel ou sur la terre. Et il fut interrogé sur la descente d'Allah et il a dit: il descend et on ne doit pas scruter le comment de la chose. Et il a dit, il descend, il affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il veut, mais sa descente, on ne sait pas comment elle est. Donc ça c'est Aqidat al-Sunnah. Une femme lui demanda: où est ton Dieu que tu adores? Une femme demanda à Abu Hanifa et il a répondu, rahimahullah, Allah exalté soit-il, est au-dessus, est au ciel, en dehors de la terre. Allah, exalté soit-il, est au ciel, en dehors de la terre. Et un homme objecta: Il a dit, que penses-tu de la parole d'Allah, il est avec nous, wa huwa ma'akum. Et Abu Hanif a répondu, c'est comme lorsque tu envoies à quelqu'un une lettre dans laquelle tu lui assures que tu es avec lui alors que tu es loin de lui. Et ça, c'est cité dans Kitab al-Asma wa al-Sifat, la page 429. La même chose concernant la parole d'Allah, la doctrine concernant le Coran, le destin, tawhid, la fitra, c'est-à-dire tout cela, Abu Hanifa soutient la même aqidah que l'aqidah des gens de la sunna et de la jama'a. Malik ibn Anas, je donne brièvement un aperçu sur l'aqidah de chaque imam. Malik ibn Anas adopte lui aussi le dogme des pieux prédécesseurs, il n'était ni ash'arite ni mu'tazilite. L'imam Dharqutni rapporte sur l'autorité d'Al-Walid ibn Muslim, lequel a dit « J'ai interrogé Malik » Al-Thawri, Al-Awza'i et Al-Layth ibn Sa'd sur les textes qui parlent des attributs d'Allah. Et ils ont tous répondu, admettez-les dans les termes où ils sont rapportés. Voir Kitab Sifas de l'imam Dharqutni et Kitab Shari'a d'Al-Ajurri, l'A'tiqad d'Al-Bayhaqi, Tamhid ibn Abdelbar. Et vous connaissez tous l'histoire, bien sûr, de l'homme qui se présenta devant Malik, récita la parole d'Allah, le tout miséricordieux, sur le trône Istawa. Et là, l'homme fit suivre cette récitation de la parole d'Allah. Il a fait suivre de la question suivante. Comment s'est-il installé? Kayfa Istawa? Et Malik baissa la tête, qui fut inondé de sueur à cause de l'impact qui a eu une telle question sur son cœur. Puis il dit, l'installation, istiwa, n'est pas inconnue. L'installation n'est pas inconnue, c'est-à-dire, eu égard à la langue, son sens n'est pas inconnu. Contrairement à ce que certains disent, ils disent, parce qu'il y a certains qui essaient de détourner la parole de l'imam Malik, il dit, l'istiwa n'est pas inconnu, c'est-à-dire que sa citation dans le Coran n'est pas inconnue. Mais ça c'est évident, tout le monde sait que le terme istiwa existe dans le Coran. Mais quand il dit l'istiwa n'est pas inconnu, l'istiwa'u ghayru majhoul, l'istiwa n'est pas inconnu, c'est-à-dire que tout le monde comprend ce que c'est l'istiwa, c'est-à-dire l'élévation et l'installation. Le comment de la chose dépasse la raison, la parole de l'imam Malik, l'istiwa n'est pas inconnu. Le comment de la chose dépasse la raison. Y croire est nécessaire et poser des questions à son propos est une bid'a, est une innovation. Et je pense que tu es un innovateur et il ordonna de le faire sortir. Cette tradition se trouve dans Kitab al-Asma al-Sifat d'Al-Bayhaqi et dans l'Hilya. Et Abu Daoud rapporte ceci sur l'autorité de Abdullah ibn Nafi', lequel a dit, Malik a dit, Allah est au ciel et sa science est partout. Allahu fi samaa wa 'ilmuhu fi kulli makan. C'est une tradition apportée par Abu Daoud dans Masail Imam Ahmed et dans Tamhid ibn Abd al-Barr. L'imam Shafi'i, dans le livre Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, Ibn al-Qayyim rapporte que Shafi'i a dit, la voie que je suis, à laquelle je me conforme moi, et j'ai vu mes collègues suivre. Mes collègues, j'entends par mes collègues les gens du hadith, j'entends par mes collègues les gens du hadith, à savoir ceux desquels j'ai rapporté les hadiths, comme Soufiane et Malik, consiste à dire, voilà, il explique ce que dit, cette voie, il consiste en quoi? Il dit, consiste à attester qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah, shahada, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, à croire qu'Allah est sur son trône au ciel, tout en étant proche de ses créatures comme il veut, et qu'il descend au ciel le plus bas comme il veut. Ça, vous le trouvez dans Kitab Ijtima' al-Juyush d'Ibn al-Qayyim, et vous le trouvez aussi dans Kitab al-Ulu de l'imam al-Zahabi. L'imam Ahmed, je pense que je n'ai pas besoin de parler de l'attachement de l'imam Ahmed au dogme du salaf, son combat des innovateurs, l'inquisition dont il fut victime, son emprisonnement à cause de son opposition à la doctrine du Coran, la doctrine qui impose que le Coran est créé, et son combat contre les Mu'tazila. Donc tous étaient sur la voie des compagnons en matière de Aqida. Tous affirmaient les attributs d'Allah, que ce soit les attributs substantiels, les attributs dhati, les attributs révélés et les attributs relatifs à l'acte. Bien sûr, sauf en ce qui concerne la doctrine relative à la voie, à la foi, l'iman, pardon. Malik, Shafi'i, Ahmed et les autres grands imams, les compagnons sont unanimes sur le fait que la foi consiste en parole et en acte. Qawl wa amal, en parole du cœur et de la langue, en acte du cœur et des membres. Abu Hanifa s'est distingué d'eux. Il a dit la foi est attestation verbale et reconnaissance. Il a dit « Al-Iman huwa al-Iqrar wa al-Tasdiq ». Ça, c'est cité dans Kitab al-Fiqh al-Akbar. Et il a dit « La foi est attestation par la langue et acquiescement par le cœur ». Et il a dit également « La foi n'est susceptible ni d'augmenter ni de diminuer ». Ça, c'est dans Kitab al-Wasiyya où il dit ça. Vraisemblablement, Abu Hanifa a pris cette doctrine de son cheikh, Ahmed ibn Abi Sulayman. C'est lui qui soutient cette doctrine, qui est la doctrine de l'irja. Parce que, bon, les savants considèrent que l'un des premiers à soutenir l'irja, c'est Ahmed ibn Abi Sulayman. D'autres disent que c'est Dar ibn Abdullah al-Hamadani, d'autres disent que c'est Qais al-Masr ou Salim al-Aftas. Donc, bon, ça c'est dans les livres de. Milal wa Nihal. Inch'Allah, Abu Hanifa rahimahullah est pardonné pour cela. A souligné toutefois que Ibn Abdul Barr et Ibn al-Izz al-Hanafi ont dit des propos qui font penser qu'il est revenu sur sa doctrine. Wallahu a'lam. Et je tiens à souligner qu'il y a une différence entre Murji'at al-Fuqaha, les Murji'a des juristes, et les Murji'a al-Kalamiyin, ceux qui sont. Les Murji'a qui s'inspirent de la philosophie grecque. Inch'Allah, je vais parler de ça, je vais vous montrer la différence entre ces deux aqidas. Vous savez que, bon, je vais parler, Inch'Allah, de l'apparition des sectes. Je vais parler, Inch'Allah, de l'apparition des sectes et de la traduction des livres des philosophes. Qui a eu des conséquences graves sur la profession de la foi des gens de la Sunna et comment ces doctrines-là philosophiques ont entaché et ont corrompu l'aqida, ils ont corrompu le fiqh et ils ont corrompu aussi les fondements du droit. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك